Bonjour à tous, bienvenue pour cette cinquième et dernière séance du séminaire des membres de l'École française de Rome, qu'avec Alexandre, nous avons choisi de mener autour d'une réflexion sur le thème des normes du corps autour de l'éthique clinique. Alors, derrière ce titre, ce qui nous a paru intéressant, ce qu'on a cherché à interroger, c'est finalement les normes du rapport au corps dans la pratique médicale, d'une certaine façon. Parce que le développement récent de nouvelles techniques médicales, ainsi que l'influence croissante de la médecine dans la vie ordinaire, permet de constater une médicalisation de plus en plus poussée, de plus en plus radicale de la question des corps et de l'humain. Et de la sorte, la structure médicale des sociétés se rapproche assez fortement de la notion discutée de biopouvoir, qui a été théorisé, bien sûr, par Michel Foucault. Face à cette emprise croissante de la médecine, la tentation fut assez grande de recentrer l'acte médical sur un rapport privilégié, essentiellement plus humain, celui du médecin au patient. À ce sujet, dans les années 1950, le docteur Porte, qui était alors président de l'Ordre national des médecins, définissait cette relation en ces termes. Je cite « Je dirais donc que l'acte médical normal n'étant essentiellement qu'une confiance, celle du patient, qui rejoint librement une conscience, celle du médecin, le consentement éclairé du malade n'est en fait qu'une notion mythique que nous avons vainement cherché à dégager des faits. Le patient, à aucun moment ne connaissant, au sens strict du terme, vraiment sa misère, ne peut vraiment consentir à ce qui lui est affirmé, ni à ce qui lui est proposé, si du moins nous donnons au mot consentement sa signification habituelle d'acquiescement averti, raisonné, lucide et libre. » Force est de constater que cette vision du rapport patient-malade n'est plus acceptée, ce dont témoigne en France, par exemple, la loi Kouchner du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé, qui remet au contraire au centre des exigences ce consentement éclairé jugé impossible par le docteur Porte. C'est sans doute l'évolution de la pratique médicale entre ces deux dates qui justifie cela, qui replace cette relation médecin-patient au centre du jeu, relation qu'il importerait du coup de penser dans les cadres d'une philosophie morale renouvelée, d'une éthique qui en certifierait la conformité à un certain nombre de grands principes intangibles. Malheureusement, cette relation ne correspond guère au cœur de la pratique médicale actuelle, en dépit des bonnes intentions, celle affichée par la loi de 2002, reprise toujours en France en 2005 par la loi Leonetti. Tandis que dans le même temps, la difficulté à poser en des termes partagés le rapport au corps et la logique du soin rend complexe toute tentative de définition de ces grands principes directeurs, ce dont témoigne, toujours en France, la rénovation, ou plutôt l'absence de rénovation régulière des lois de bioéthique. Si les normes positives du corps sont assurément celles qui font l'objet de plus larges consensus, le corps souffrant, le corps endommagé, le corps condamné et sa prise en charge font, eux, l'objet de débats bien plus douloureux. Et le cœur du projet de cette séance, que nous avons voulu monter avec Alexandre, réside autour d'une triple interrogation a priori très simple. Existe-t-il des normes du corps? Comment le caractère irréductiblement idiosyncratique de chaque personne, de chaque corps, de chaque malade, de chaque situation médicale influe-t-elle sur la possibilité même d'une éthique clinique et du développement de ces normes génériques du traitement des corps acceptées par tous? La médecine, enfin, en se présentant uniquement comme discipline scientifique, ce qui se lie à l'heure actuelle, à un certain hospitalocentrisme, avec la domination des aspects techniques qui réduisent l'humain à son animalité biologique, comment la médecine, en se présentant ainsi, ne court-elle pas le risque d'imposer des normes nouvelles, n'ayant plus pour objet le sujet vivant, mais simplement le meilleur espace de déploiement d'un savoir pour lui-même? Face à cela, comme le texte de Toulmine que nous avons fait circuler invite à le voir, la spécificité de la discipline médicale dans son rapport aux normes éventuelles qui la régissent a imposé le recours à de nouvelles voies. Du coup, quatre dimensions principales seront aujourd'hui discutées, même si nous n'aurons probablement pas le temps de les aborder toutes en détail. Elles présentent le cadre initial que nous avons fait parvenir à nos invités pour le discuter. La première de ces dimensions vise à réfléchir sur l'articulation corps sain, corps malade, l'évolution du rapport au corps. Qu'est-ce qu'un corps sain? Qu'est-ce qui constitue cette norme corporelle? L'OMS, par exemple, propose une définition générique de l'état de santé. La santé est un état de complet bien-être physique, mental et social, et ne consiste pas seulement en une absence de maladie ou d'infirmité. Cette définition, cependant, forcément large, ne saurait suffire, et cette première interrogation vise à convoquer la question de l'évolution du rapport au corps, mais aussi de l'instance décisionnelle en dernier ressort. Est-ce le propriétaire du corps, le dépositaire du savoir experts. Et de ce point de vue-là, il sera intéressant de rappeler les limites de l'imposition, de l'importation d'un modèle contractualiste dans la médecine pour décrire la relation médecin-patient. Puisque Paul Ricoeur parlait de dissymétrie initiale à propos du pacte de confiance, ce qui rejoint la dissymétrie évoquée dans la citation du docteur Porte, bien évidemment parce que le pacte en question unit un individu qui est supposé maîtriser un certain savoir à un autre qui ignore tout. Et face à cette inégalité, c'est la confiance que l'un va placer en l'autre qui permet l'illusion contractualiste, ce qui suppose une entente minimale sur un certain nombre de règles comportementales, sur une éthique relationnelle commune. Deuxième grande direction, ça va être les normes éthiques à proprement parler, leur application qui vont nous intéresser. Ça concerne bien évidemment les acteurs de la définition normative concernant l'éthique médicale. Qui sont-ils ? Avec une éventuelle variation entre les pays, on pensera ici au fait que l'Italie doit composer avec une église catholique bien plus présente dans le débat public. Quelle articulation existe entre eux ? Quels sont en gros les modes ordinaires de la production des normes éthiques, des normes bioéthiques ? De façon plus concrète, comment, à l'image de ce qu'indiquait l'article que nous avons fait circuler, la médecine tend finalement à promouvoir une éthique casuistique qui ne peut que créer des situations de conflit ou du moins de tension entre la norme édictée ou souhaitée et son application concrète dès lors qu'on touche au corps et à l'individualité. Il serait intéressant ici de se pencher sur un exemple précis, par exemple la loi Leonetti du 22 avril 2005, qui réalise un compromis peu évident entre des aspirations normatives génériques contradictoires, puisqu'elle accorde le droit de laisser mourir, mais pas celui de faire mourir. Sur ce sujet aussi, le professeur Pizza pourra sans doute apporter un regard plus anthropologique et plus proche de la situation en Italie. Un troisième axe concernerait alors les différents niveaux de normes. Face aux difficultés rencontrées pour s'accorder sur des normes génériques opératoires à tous les cas particuliers possibles, est-ce que l'on peut envisager l'existence de super normes qui permettent de combler ce hiatus ? Et pour le dire autrement, avec l'exemple de la notion de dignité humaine, la solution passe-t-elle par des conceptions normatives volontairement très larges, difficilement réductibles, mais qui laisseraient précisément une place pour le déploiement d'une authentique dialectique patient-médecin, mais aussi de la place pour un certain nombre d'accommodements. Dans ce cas, quelle est la valeur opératoire réelle de telles supernormes ? Pour reprendre le cas de l'exemple cité, la dignité humaine est-elle une norme opératoire ? Elle soulève en effet de réelles difficultés, au moins en raison des présupposés religieux qui la sous-tendent. En allant plus loin, il est alors possible de se demander si nous n'assistons pas à un renversement de perspective. Si longtemps on a tenté d'imposer des normes sociétales à la médecine pour en encadrer les conditions d'exercice, la situation ou le risque inverse n'est-il pas de voir cette casuistique médicale imposer ses propres normes en une sorte d'extension du biopouvoir de Foucault qu'il serait possible d'interroger ? C'est le passage du biopouvoir à la biopolitique où les normes produites par la médecine influent sur les lois. Enfin, un quatrième axe pourrait interroger le rôle de la juridicisation et de la pénalisation de la pratique médicale dans l'édification de normes nouvelles. Et ici, on pourrait partir, par exemple, de l'arrêt Perruche et du fait qu'un handicap trop important peut être considéré comme un élément suffisamment dirimant pour justifier un droit à la non-naissance. Ce cas est évidemment des plus intéressants. En cas de non-diagnostic fautif de malformation fœtale, le juge administratif décidait initialement d'indemniser le préjudice moral et matériel des parents d'un enfant né avec un handicap. En revanche, il refusait d'indemniser le préjudice de l'enfant handicapé du seul fait de sa naissance. C'est par exemple l'arrêt du Conseil d'État du 14 février 1997 dans l'affaire Carrez. Le juge civil alla au-delà, en acceptant d'indemniser non seulement le préjudice des parents incluant les charges particulières découlant du handicap, mais aussi le préjudice personnel de l'enfant. C'est cette fois l'arrêt de la Cour de cassation du 17 novembre 2000, l'affaire Perruche. C'était donc une obligation de réparer intégralement le handicap qui pesait sur le médecin, dont la seule faute était de ne pas avoir diagnostiqué une malformation fœtale, et en aucun cas d'être à l'origine du handicap subi par l'enfant, puisque celui-ci préexistait à l'intervention médicale. Le législateur a finalement décidé de revenir sur cette décision aux conséquences financières considérables pour le corps médical. En effet, la loi du 4 mars 2002, dite loi Kouchner, dispose dans ce premier article que nul, je cite, ne peut se prévaloir d'un préjudice du seul fait de sa naissance. Selon ce texte, le préjudice d'un enfant né handicapé n'est pas réparable, excepté si le handicap résulte d'une faute directe du médecin. Dans ce cas, l'enfant peut bien sûr agir contre ce dernier. En cas de non-détection de malformation fœtale due à une faute caractérisée, seul est réparable le préjudice personnel des parents, les charges particulières découlant du handicap relevant désormais de la solidarité nationale, d'où l'abrogation du titre 1er de la loi du 4 mars 2002 par la loi du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées. Le Conseil constitutionnel a statué le 11 juin 2010 en déclarant le dispositif conforme à la Constitution, car le législateur a fondé son choix sur deux types de considérations. D'une part, des considérations éthiques et sociales. C'est le choix d'une prise en charge de toutes les personnes atteintes d'handicap selon le même régime, sans distinction, selon que le handicap pouvait ou non être diagnostiqué avant la naissance, ou en fonction des convictions de la mère et partant du choix qu'elle aurait pu faire à la suite du diagnostic. Deuxième type de considération, d'ordre financier, qui relève de son pouvoir d'appréciation, notamment les difficultés rencontrées par les professionnels et établissements pour souscrire une assurance de responsabilité, eu égard à l'importance du montant des dommages et des intérêts alloués pour réparer intégralement les conséquences du handicap. La question que pose une telle évolution est la suivante. En quoi le risque pénal peut-il être facteur de modification ou de création de normes nouvelles ? En effet, la relation même du patient malade en devient modifiée. Le patient entre dans une relation clientélaire dans laquelle il revendique des droits et une certaine obligation de résultat. Nous écouterons sur ce point nos deux invités qui nous font l'honneur de leur présence, dans un premier temps Marie Gaille puis le professeur Giovanni Pizza. Marie Gaille qui est actuellement chargée de recherche de première classe au CNRS, rattachée au laboratoire CERCES, Centre de Recherche Sens Éthique Société, qui est docteur en philosophie et depuis peu habilité à diriger des recherches. Les questionnements qui parcourent son œuvre sont riches et nombreux, et il en ressort un travail d'ampleur sur la manière dont la philosophie politique et morale est investie par la question de ses rapports avec la médecine. Elle s'est d'abord inscrite dans le champ d'une enquête à la fois conceptuelle et historique sur les emprunts de la pensée politique à la théorie médicale pour en analyser la nature, la fonction et les effets sur la manière dont la pensée et l'action politique sont conçues et en particulier à la Renaissance. Depuis 2009, elle poursuit son travail dans le cadre d'un projet ANR qui s'appelle « La refonte de l'homme, découverte médicale et philosophie de la nature humaine » dans les pays germaniques, France, Grande-Bretagne, XVIIe et XVIIIe siècle. Un deuxième volet d'interrogation posé par Marie Gaille porte sur les pratiques et sur les conceptions de la recherche biomédicale ou du soin. Son sujet se fait donc plus contemporain, centré sur les enjeux politiques, juridiques et éthiques des pratiques thérapeutiques contemporaines. Il se décline en trois champs, la question de la propriété du corps. Elle a publié à ce sujet un ouvrage avec Claire Grignon, intitulé « À qui appartient le corps, politique, médecine et droit ?» aux belles lettres en 2004. Deuxième volet, celui des usages de l'idée de valeur de la vie dans les décisions de maintien ou d'interruption de la vie. C'est l'ouvrage « La valeur de la vie » publié en 2010 aux belles lettres. Et enfin, la question du désir d'enfant et avec tout récemment publié au PUF « Le désir d'enfant, histoire intime et enjeux politiques ». Une partie de ses réflexions s'est enrichie de sa participation au Centre d'éthique clinique de l'hôpital Cochin, un espace dans lequel elle a notamment étudié sur le terrain le processus de prise de décision en éthique clinique, avec en son cœur la discussion entre principistes et casuistes que vous avez bien cerné grâce à l'article de Toulmin. Rajoutez à ce parcours scientifique éloquent le fait qu'elle est une italieniste émérite, traductrice de Machiavel à 16 heures, vous comprendrez bien combien nous sommes heureux de l'avoir parmi nous aujourd'hui pour nous éclairer et pour discuter avec le professeur Pizza, qui lui est anthropologue et actuellement chercheur rattaché à la section anthropologie du département Hommes et Territoires de l'Université de Pérouse. Il y travaille aussi dans le cadre du programme Anthropologie de la médecine et des migrations, processus et dynamique culturelle. Une partie de sa formation a eu lieu à Paris, à l'EHESS, avant de présenter sa thèse de doctorat et son travail postdoctoral ici à la Sapiens. Ces interrogations l'entraînent dans le champ de l'anthropologie médicale et religieuse, avec une attention particulière à l'anthropologie du corps et à l'expérience de la maladie. Il travaille actuellement sur deux terrains, d'une part les Pouilles, dans lesquelles il étudie la réinvention du tarantulisme en rapport avec les politiques culturelles du Salento, et d'autre part la Roumanie, où il s'intéresse aux questions de chamanisme et de possession. Et en parallèle, il continue à mener des enquêtes sur les questions d'anthropologie de la santé, comme tout récemment, je crois la semaine dernière à Bologne, lors du workshop Medicina e dintorni, où il a présenté une communication sur les dynamiques politiques, les inégalités sociales, l'anthropologie médicale et le droit à la santé. Nos deux intervenants ont donc des profils divers, mais bien des intérêts en commun, ce qui va nous permettre, à n'en pas douter, d'assister à une séance passionnante. Et nous cédons la parole à Marie-Gaëlle. Merci. Bon, bonjour, c'est moi qui suis honorée de cette invitation, et qui est un peu le trac en fait, je dois dire, parce que je ne m'adresse pas souvent à des historiens. Donc j'espère pouvoir effectivement exposer un propos qui permettra l'échange. Et de ce fait, j'ai vraiment tenté d'expliciter autant que faire se peut ma démarche, pourquoi j'avais adopté tel ou tel type de parti pris, de façon à pouvoir favoriser l'échange avec vous. Alors ce que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est un exposé donc, que j'ai intitulé « De l'universalisme nostalgique ». Au travail critique sur les normes, l'éthique médicale comme enjeu politique. Alors, la première partie de ce titre, effectivement, porte sur un élément qui agite beaucoup la communauté philosophique en France et ailleurs, je pense, et sur le statut de l'universalisme dans la réflexion éthique contemporaine, dont on comprend bien que cette prétention à l'universalité a été beaucoup mise en cause ces dernières décennies. Et le sous-titre, l'éthique médicale comme enjeu politique, est quelque chose qui me tient particulièrement à cœur, puisque venant de la philosophie politique, j'ai toujours abordé les questions d'éthique médicale avec un certain nombre de préoccupations liées aux politiques, l'articulation morale-politique, morale-droit, et la réinscription du sujet malade et souffrant et des équipes médicales dans l'espace de la cité, un peu contre une façon d'approcher l'éthique médicale très fermée sur elle-même, qui a toute sa légitimité, mais qui, à mon avis, manque quand même certaines dimensions importantes. Aujourd'hui, d'ailleurs, la bioéthique internationale est un peu revenue de cette fermeture et effectivement a plus résolument inclus un certain nombre d'éléments de réflexion directement politique. Alors, je vais vous présenter un exposé en citant d'abord un petit rappel de la question dominante de ma réflexion, un petit peu d'où je viens en philosophie politique. Ensuite, une présentation de l'objet, les normes et de la démarche que j'ai adoptée à leur égard. Ensuite, un tableau de ce que j'estime être aujourd'hui les normes médicales à l'œuvre dans le champ des pratiques. Directement relié à ce tableau, la question du pluralisme moral. et donc l'enjeu de cet universalisme. Dans un cinquième temps, j'aborderai la question du travail sur ces normes, c'est-à-dire effectivement comment on les aborde, comment on les met en cause, comment on les définit, et pourquoi il y a ce nœud en fait du rapport entre principiste et casuiste. Et puis je reviendrai pour terminer sur le sujet politique derrière le conflit des normes morales. Voilà, donc alors comme l'a indiqué Alexandre, je suis philosophe de formation et sans doute la question qui guide l'ensemble de mon travail depuis la thèse, c'est celle de la liberté politique articulée à une analyse de la dynamique institutionnelle des cités. Et au sein de cette dynamique, j'ai prêté une attention particulière aux conflits civils et aux rapports de force. Alors, donc c'est quelque chose que j'ai travaillé notamment dans une thèse sur Machiavel, la pensée du conflit civil et les usages que la réflexion philosophique sur la démocratie aujourd'hui, les usages qui sont faits de Machiavel, ils sont nombreux, hein, Machiavel est repris dans tel ou tel sens pour essayer justement d'articuler liberté politique, conflit et dynamique institutionnelle. Alors c'est un travail que j'ai mené avec en ligne de mire, je dirais, deux références importantes, celle de Jacques Rancière qui s'intéresse beaucoup au processus de subjectivation en démocratie et celle d'Étienne Balibar qui était mon directeur de thèse et qui a travaillé beaucoup cette idée de citoyenneté en devenir, de citoyenneté évoluante dans un rapport assez complexe au droit et où en tout cas tout était noué à la question de savoir comment l'espace politique constituer un espace où le sujet advenait, se transformait à travers des droits, des capacités et même des capabilités, là j'importe le vocabulaire d'Amartya Sen, hein, qui lui était ou non conféré. Alors, au fil des années, en fait, j'ai été amenée à privilégier ce que j'estime être l'examen d'un lieu d'exercice de cette liberté politique, de déploiement ou de remise en cause de cette liberté et du sujet qui va avec, qui me paraît tout à fait essentiel et qui est relativement négligé quand même par la philosophie politique de la démocratie aujourd'hui, celui des pratiques relatives au corps et à la santé. Donc c'est un choix qui a certainement été nourri par la lecture de Michel Foucault, puisque comme vous le savez, hein, il a mis en évidence l'importance de la maîtrise et de la discipline des corps et des choix en matière de santé. Et c'est un choix dont j'irais même effectivement, enfin l'importance de cet objet remonte même en deçà de la période qu'il a particulièrement travaillé, puisque moi je me suis intéressée à la Renaissance, lui s'arrête au XVIIIe siècle, et effectivement ce qu'on fait dans le projet ANR qu'a évoqué Alexandre, c'est d'essayer de, sans être nécessairement tous foucaldiens, de remonter la problématique et d'en évaluer la pertinence dans l'Europe à partir de la fin du Renaissance, on va dire. Donc, ce qui me tient à cœur, c'est effectivement de travailler le citoyen en tant qu'il a un corps, et en tant qu'il a un corps qui est aussi d'emblée dans l'espace public, qui a une dimension publique. Hein. Voilà. Alors, j'ai effectivement, du coup, travailler sur les choix que les individus et les collectivités font au regard du corps, de ses potentialités, de la santé. Et en particulier, je me suis intéressée à la décision médicale prise en contexte hospitalier. Alors ça, c'est un point effectivement important, parce qu'Alexandre, tu as parlé effectivement du primat du contexte hospitalier technique. Et il y a une espèce de biais ici de la recherche, parce qu'il est beaucoup plus facile d'aller trouver des terrains et d'aller discuter avec les gens de l'hôpital qu'avec les médecins de ville qui sont éparpillés, et ça c'est un point effectivement important, mais de fait je m'inscris aussi dans un contexte de travail dans le contexte hospitalier, et depuis une dizaine d'années donc mes travaux portent en général sur le cas français et la période contemporaine. Alors je m'interdis pas d'aller au-delà, hein, à la fois en temps et en espace, mais cette contextualisation est quand même un des piliers de mon travail, et j'y reviendrai par la suite. Alors, dans le cadre de ce travail, la notion de norme joue un rôle important. De façon très générale, hein, ce terme désigne la règle à suivre, qu'elle soit énoncée comme une prescription juridique, une obligation morale, un fait biologique, une recommandation déontologique ou de bonne pratique, comme le disent souvent les médecins. Et ce qu'il faut dire tout de suite, c'est que les usages de cette notion de norme ont été très variés. Dans le dictionnaire d'éthique et de philosophie morale, Ruven Augien rappelle que la notion de norme a été employée habituellement selon trois sens. Un sens impératif ou prescriptif, c'est ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire, ce qui est permis, ce qui est interdit ou obligatoire. En un sens appréciatif, la norme, c'est ce qu'il est bien ou correct, mal ou incorrect de faire, d'être, de penser. Et puis aussi un sens descriptif. Les normes renvoient à des manières d'être, d'agir, de penser. Et effectivement, c'est un usage qu'on a beaucoup trouvé en sociologie ou en anthropologie. Alors, dans mon travail, je me suis délibérément attachée à une acception assez restreinte de la notion de norme qui renvoie au premier usage. Hein, et donc, je me suis surtout intéressée à des énoncés impératifs ou prescriptifs. Ces énoncés interviennent pour orienter les décisions médicales. Alors, c'est important de qualifier la manière dont elles interviennent, parce qu'elles n'interviennent pas toutes seules, en général, parfois même pas du tout, en tout cas pas du tout de façon explicite. Et il y a d'autres facteurs qui sont mobilisés dans la décision médicale qui sont aussi importants. Il y a évidemment le diagnostic et le pronostic, éventuellement il y a les souhaits de la famille, il y a aussi des considérations budgétaires relatives aux services, à l'institution hospitalière et même aux politiques de santé publique. Il y a les relations que le service dans lequel le malade se trouve entretient avec les autres unités du même hôpital. Il y a l'état de l'équipe, l'état psychologique. Hein, parfois, on parle de burn-out, d'épuisement, et ça joue aussi dans la décision. Il y a la culture de service, le problème de la judiciarisation des cas considérés, avec la question de la clientélisation de la relation médecin-malade. Donc, il y a une myriade, hein, d'éléments qui contribuent à une décision médicale. Et effectivement, moi, j'ai isolé les normes pour diverses raisons dans cette espèce d'ensemble. D'abord parce que je pense qu'elles jouent quand même un rôle important et pas toujours explicité dans la décision médicale. Ensuite, parce qu'elles sont souvent difficiles à comprendre dans leur sens, leur fondement et leur rôle, et de, de ce fait, elle requiert une étude particulière. Et puis, il y a sans doute aussi un biais professionnel. Étant philosophe, oui, je m'intéresse effectivement de façon prioritaire à la clarification des concepts. Et de ce fait, mon attention se porte un peu spontanément, je dirais, sur cet élément. Voilà. Et puis, en retour, il faut bien voir qu'effectivement, ce travail sur les normes va directement nourrir mon questionnement sur les processus de subjectivation des citoyens en tant qu'ils ont un corps. Alors, ces sujets, en fait, ces citoyens, pardon, en tant qu'ils ont un corps, vont, dans les décisions médicales qui les concernent ou qui concernent des proches, énoncer des normes, discuter des normes, mobiliser telle ou telle norme dans la décision. Et il me semble important de marquer que dans ce geste, ce discours, ils s'affirment comme des sujets moraux, hein, avec, en rupture ou non avec le droit, en rupture ou non avec les bonnes pratiques, en rupture ou non avec les mœurs dominantes. Et de ce point de vue, il y a de façon sous-jacente une thèse que je dois encore affiner dans mon travail, mais qui est liée à l'idée que la dimension évaluante, appréciative, est essentielle à la vie humaine. Alors, ce n'est pas une thèse qui est mienne, hein, c'est entre autres choses, on la trouve chez Georges Canguilhem, qui a développé une conception de la vie humaine comme appréciation, comme affirmation de valeur, et c'est quelque chose qui est évidemment essentiel pour lui dans son travail, en particulier au regard de la santé, mais qui vaut en général. On est en train de publier à l'heure actuelle l'ensemble des œuvres de Canguilhem, y compris les cours inédits, et c'est quelque chose qu'on retrouve très fortement affirmé dans ses travaux et dans ses cours faits donc au tournant de la Seconde Guerre mondiale. Et donc, ce qui est important, et j'y reviendrai par la suite dans le travail que j'essaye de mener, c'est de montrer en quoi reconnaître en contexte hospitalier aux patients cette capacité à évaluer leur existence et à produire des énoncés prescriptifs au sujet de leur existence est d'une importance cruciale pour des patients qui sont confrontés à la souffrance, à la maladie et parfois à l'horizon d'une mort prochaine. Alors, par rapport donc à cet objet, hein, la décision en tant qu'elle va mobiliser des normes, j'ai adopté un certain nombre de partis pris dans mon travail, et des partis pris qu'on peut résumer sous le qualificatif de philosophie empirique, même si, peut-être que le terme changera encore dans les années à venir. Mais ça veut dire un certain nombre de choses. Ça veut dire que je n'interviens pas philosophiquement dans une position de surplomb à partir de laquelle j'énonce ce qui doit être. Ce qui est le rôle demandé par certains membres de la communauté médicale aux philosophes. Hein. On vient souvent nous appeler en nous disant « Mais que faut-il penser, vous les philosophes? Que pensez-vous de ce qui devrait être ?» Donc c'est une position que j'ai refusée et que je refuse effectivement dans le travail d'éthique clinique. Ensuite, j'estime que ma première tâche, c'est d'identifier, ce qui n'est pas toujours évident, de décrire les normes morales en présence dans l'espace social, d'en proposer une analyse historique, conceptuelle, sans gommer les incohérences éventuelles. Et ça, c'est un point important, parce qu'en tant que philosophe, je pense qu'un autre de mes biais, ça sera toujours d'aller dresser un tableau cohérent de la notion, alors que dans les discours et les pratiques, il y a de l'incohérence, et qu'il faut reconnaître cette incohérence, et de proposer aussi une évaluation critique de leur rôle dans la décision. Alors, ce positionnement, en fait, il relève en partie d'une prudence interprétative. Je pense effectivement important de souligner que la tradition philosophique n'est pas d'emblée en adéquation avec le contexte qu'elle entend décrire et qu'elle a un certain nombre de filtres ou d'écrans qui sont liés à son histoire et à son corpus qu'il faut qu'elle arrive à mettre de côté pour appréhender les objets. Par exemple, dans le livre sur la valeur de la vie, j'avais été effectivement happée par cette question et par ce thème en référence immédiate au questionnement socratique sur la vie bonne qui irrigue une bonne partie de la tradition philosophique. Et je me suis, au bout de quelques mois, rendu compte que ce n'était pas du tout la question posée par les patients et les médecins qui, eux, se posaient la question du seuil de la vie vivable. Mais ce n'est pas du tout la même question que celle de la vie bonne. Donc effectivement, il faut se déprendre d'un certain nombre de filtres. Et puis, pour aborder effectivement le contexte hospitalier tel qu'il est. Alors cette démarche-là, elle n'est pas du tout une démarche isolée à l'heure actuelle. Je pense qu'elle connaît même un développement assez dynamique dans le champ de la philosophie, de la médecine et plus généralement des sciences humaines et sociales. je dirais qu'elle s'inscrit dans un courant de pensée dont l'article de Toulmin donne quelques, voilà, quelques aperçus, qui renvoie à l'intérêt dans les traditions philosophiques anglo-saxonnes depuis les années 60 à cet intérêt pour les problèmes pratiques. Alors, dans les années 60, les philosophes comme John Harris, par exemple, un Anglais, se sont dit frustrés par la domination dans leur champ de réflexion de problèmes méta-éthiques et se sont tournés vers des problèmes concrets, le nucléaire, l'environnement, la médecine. Donc il y a cette espèce de tournant, je dirais, dans le champ anglo-saxon. En France, les choses ne se sont pas du tout passées de la même manière et on a eu plutôt tendance en France à souligner que de toute façon, cet intérêt pour les problèmes concrets renouait finalement avec une source d'inspiration philosophique tout à fait classique, Socrate se promenant dans les rues d'Athènes et questionnant avec les citoyens et les passants les choses essentielles de l'existence. Donc il y a différentes sources à cette façon d'aborder les choses, mais ce qui est peut-être plus important de dire aujourd'hui, c'est qu'il y a différentes façons aussi de faire ce qu'on appelle de l'éthique appliquée, hein, dans laquelle peut se ranger effectivement mon travail. Alors, depuis plusieurs années, toujours dans le champ de la réflexion bioéthique anglo-saxonne, on a pu parler d'un tournant empirique, empirical turn, qui entend combiner le recueil de données empiriques et l'analyse philosophique normative. Alors, c'est un tournant qui, effectivement, entend être fidèle au point de vue des acteurs, qui entend nourrir les questions normatives de données, je dirais, objectives, issues du terrain. Et c'est un tournant qui tient beaucoup à la confrontation à l'intérieur de la tradition bioéthique anglo-saxonne entre, d'une part, des juristes et des philosophes qui sont montés au créneau dès les années 70, et puis des sociologues, par exemple l'américaine Renée Fox, qui sont arrivés un tout petit peu après dans le champ de la réflexion, fin des années 70, années 80, et qui ont critiqué, en fait, les aveuglements de cette réflexion en soulignant l'importance de mettre en avant des données empiriques pour relativiser, justement, notamment l'affirmation de normes universelles. Alors, il y a ce tournant empirique qui est très vivant aujourd'hui. Pour ma part, j'avais développé mon approche dans un contexte théorique un petit peu différent et qui est le dialogue entre philosophie et sociologie morale tel qu'il s'est noué à l'intérieur du laboratoire auquel j'appartiens, le CERCES, autour de l'œuvre de Durkheim et de Weber, en fait. Alors, dans les années 70, ce laboratoire est né à partir d'une étude des controverses sur l'avortement et a travaillé dans l'intérieur de ce dialogue entre philosophie et sociologie ce que pouvait être une interrogation sur les normes morales appliquées au champ de la médecine. Alors, dans cette approche croisée, sociologie-philosophie, la référence à Durkheim était centrale parce qu'il est... Il apparaît comme l'un des premiers à avoir mis le fait moral au centre de l'analyse. Ensuite, il mettait l'accent sur la dimension sociale du sujet. Le sujet moral est un sujet social, et de ce point de vue, il y avait une remise en cause du sujet philosophique tel qu'il est étudié, c'est-à-dire isolément. Les acteurs ne sont pas considérés isolément, mais dans les relations qu'ils nouent entre eux et les débats moraux qui les mobilisent. L'enquête se voulait éthique, elle se veut critique, démystificatrice. Hein, il s'agit non pas de proposer des normes, mais d'étudier celles qui sont à l'œuvre et éventuellement d'en proposer une critique. Et elle s'intéresse donc en particulier à ce qui a été appelé par ces sociologues et ces philosophes, notamment Isambert, des zones d'incertitude pratique. Hein, on s'intéressait aux points de controverse, aux points de désaccord. Et c'est un petit peu dans ce cadre, moi, que j'ai commencé à élaborer une réflexion sur ma démarche. Voilà, et j'aimerais quand même, pour terminer cette description du contexte, mentionner un élément de la réflexion aujourd'hui qui me paraît particulièrement intéressant et que j'ai trouvé plutôt développé en Angleterre, mais qui a des sources diverses et variées, et qui est une troisième nourriture théorique. Et donc c'est une approche en fait ethnographique de la bioéthique, mais à partir de la philosophie. C'est-à-dire qu'en fait, des philosophes, par exemple Michael Parker à Oxford, ont cherché à incorporer à leur réflexion philosophique le souci d'une description dense de la signification morale et des réalités dans lesquelles sont engagés les acteurs d'une situation de soins. Donc ils empruntent en fait à travers différents filtres la notion de description dense à l'anthropologue Clifford Geertz pour effectivement voilà, avoir une démarche philosophique qui se rapproche des acteurs, qui écoute les acteurs dans leurs interactions, prendre des décisions et qui considère que l'expérience morale, elle se situe premièrement dans ce cadre-là. Voilà. Et que c'est ce que la philosophie, nourrie donc par cette approche ethnographique, doit analyser de façon primordiale. Et ça va très loin, parce qu'en fait, dans ce croisement d'une démarche philosophique et ethnographique, il y a même l'idée que le lieu de la réflexion morale, c'est cette rencontre entre les acteurs et l'observateur, et qu'il y a une forme de, c'est ce que Michael Parker qualifie de craftsmanship, hein, d'artisanat moral qui est en construction, qui est en élaboration dans cette interaction-là. Voilà, donc c'est un petit peu le contexte dans lequel je situe mes travaux et qui donne donc toute son importance aux décisions et aux débats qui sous-tendent ces décisions en contexte hospitalier. Alors, pour en venir directement à ces normes, ce qu'il faut peut-être dire en premier lieu, c'est que quand on s'intéresse au contexte hospitalier, on fait face à une surabondance de normes. Effectivement, elles viennent de partout. Il y a des normes qui sont liées aux bonnes pratiques, qui sont par définition évolutives, hein, qui sont définies selon l'état du savoir médical. Par exemple, en réanimation néonatale, bien qu'il y ait des différences selon les pays, la limite en deçà de laquelle les équipes médicales ne réaniment pas les nouveau-nés varie, on va dire, à l'heure actuelle, entre 24 et 26 semaines. Et de façon très régulière, les communautés médicales se réunissent pour définir les bonnes pratiques médicales en fonction de l'état du savoir, de ce qui s'est acquis en termes d'expérience pratique pour redéfinir la limite de la réanimation. Il y a aussi des normes juridiques, au sens de règles, hein, qui s'imposent aux équipes médicales comme aux patients et qui, de façon surprenante, ne sont pas toujours connues du monde médical ou que les équipes médicales ont un peu tendance parfois à oublier. Il y a aussi des normes liées au fonctionnement d'une institution, l'hôpital, la santé publique, l'économie de la santé, tout cet ensemble de facteurs impose des normes de fonctionnement. Il y a aussi des normes qui sont relatives au code de déontologie régulant la profession médicale. Vous avez cité le président de l'Ordre des médecins là, tout à l'heure. Voilà, donc ce ne sont pas des règles de droit, mais ce sont quand même des normes extrêmement importantes pour la profession. Et puis, il y a des normes morales qui sont liées à la pratique du métier de médecin et à la conception qu'on s'en fait. Donc elles émergent dans le cadre d'une culture professionnelle qui elle-même va se diffracter de différentes manières selon les cultures de service et elles engagent la relation à autrui, donc ici en l'occurrence aux patients. Donc on voit d'emblée que ces normes, y compris les normes morales stricto sensu, elles ont un vaste terrain d'expression, elles peuvent effectivement s'exprimer comme de simples normes éthiques, mais comme des règles de droit, comme des règles de bonne pratique, etc. Et alors, effectivement, moi, je me suis plus intéressée aux normes spécifiquement morales, quelle que soit finalement leur forme d'expression, hein, qu'elles valent comme dans un droit ou pas, en tant qu'elles engagent donc cette dimension évaluante de l'existence humaine. Alors, la présentation très rapide que je viens de faire de cette pluralité des normes suggère qu'on a affaire à des normes à part égale. Il n'en est rien. Et ça, c'est un point qui est important de souligner. Et je reprendrai volontiers pour l'illustrer le propos d'un médecin et juriste américain, Jay Katz, qui en 1984 a publié un ouvrage intitulé « The Silent World of Doctors and Patients ». Et donc cette expression de « monde silencieux » effectivement est extrêmement parlante parce que Jay Katz voulait faire état du silence qui avait caractérisé la relation entre médecin et patient jusque donc dans les années 60. Et il a un premier chapitre où il décrit en fait ce monde silencieux, en gros depuis l'émergence du corpus hippocratique jusqu'au début des années 60, où il explique que la situation a progressivement changé pour deux raisons. D'abord parce que les médecins ont été amenés de plus en plus à distinguer dans l'état de l'art ce qu'ils pouvaient tenir pour certains et ce qu'ils pouvaient tenir pour conjectural ou pour ignorer. Et du coup, ils ne pouvaient plus être si sûrs d'eux, en fait, en toutes circonstances. Dans certaines spécialités émergentes, par exemple la génétique, ces dernières décennies, une part d'incertitude importante demeure, et donc elle favorise, selon lui, la communication entre les médecins et les patients, parce que les médecins ne peuvent pas se prévaloir d'une connaissance indiscutable et indisponible aux profanes. Et puis d'autre part, il y a un mouvement historique, inégal selon les pays, de patients qui, à travers des associations ou en tant qu'individus, ont entrepris de lutter pour être partie prenante de façon active de la décision médicale. Donc, quand on aborde ce sujet aujourd'hui, il est important de reconnaître que depuis quelques décennies, on s'inscrit dans un monde très bruyant où plusieurs acteurs interviennent pour des raisons diverses, liées à leur état de santé, à leur position professionnelle ou aux valeurs qu'ils se sentent tenus de défendre. Donc, on est dans un contexte où récemment, on a mis fin à une situation dans laquelle la moralité à l'œuvre dans le champ médical était exclusivement rattaché à la pratique professionnelle du médecin, à sa vocation, hein, aux valeurs éventuellement humanistes qui la sous-tendaient, médecin qui prenait la décision respectant quelques principes simples, fondamentaux et dotés d'un statut quasi immémorial, hein, à commencer par celui qui est énoncé dans le serment Hippocrate, en premier lieu, ne pas nuire, hein, et qui reste à bien des égards vraiment structurant de la pratique médicale aujourd'hui. Et dans ce cadre-là, il était indiscutable que le médecin agissait pour le bien du patient. L'histoire des pratiques médicales au XXe siècle a conduit à la mise en place d'un cadre bien différent, à la suite, je dirais à partir des années 60, d'une combinaison de scandales, d'évolutions techniques, de réflexions éthiques et de la revendication des patients que j'évoquais précédemment. Donc pour le dire brièvement, le cadre qui est le nôtre, c'est un cadre où, au-delà du bruit et des polémiques, le cadre normatif en vigueur, autrefois, a éclaté. Il n'est plus l'apanage des médecins et il fait l'objet de controverses. Alors, cet état de fait, en fait, nous renvoie à un enjeu tout à fait essentiel, et c'est celui sur lequel s'arrachent les cheveux de la communauté en sciences humaines et sociales, on met particulièrement peut-être philosophique aujourd'hui. Doit-on être, eu égard à ce tableau éclaté et polémique, universaliste ou relativiste? Alors, voilà, il y a eu beaucoup de publications sur ce sujet, dans le champ de la bioéthique ou de la philosophie, et une des plus célèbres est celle de Engelhardt, en 86, qui regrette, dans son introduction, d'être aujourd'hui dans une tour de Babel morale, à milieu de l'ambition universaliste qui caractérise, selon lui, la pensée des Lumières, et donc qui regrette de devoir, je le cite, tolérer pour des raisons morales, ce qu'on condamne soi-même pour des raisons morales. On est dans une démocratie, on est obligé de tolérer l'opinion du voisin, mais on n'est vraiment, vraiment pas du tout d'accord avec. Et donc, c'est quand même effectivement le ressenti et celui d'une grande difficulté. Alors, Carl Otto Appel l'avait déjà dit en 67, peut-être moins sur le mode du regret, mais quand même de façon un peu désespérée, puisqu'il avait expliqué que, à l'époque où la tâche philosophique de fonder en raison une éthique universelle, lui pensait beaucoup au risque nucléaire, n'avait jamais été aussi indispensable, et ben elle était devenue apparemment impossible et désespérée. Alors, face à ce diagnostic moral, en fait, que peut-on faire? Alors, diverses tentatives de réponse ont été élaborées. L'une des voies qui a été privilégiée par un certain nombre de philosophes moraux, c'est l'éthique procédurale. Effectivement, on est d'accord sur rien, donc on prend acte de cette tour de Babel morale et on renonce à la possibilité de définir un noyau de principes sur lesquels on peut se mettre d'accord, un noyau de normes qui vont guider de façon systématique et universelle nos décisions. Et finalement, la seule chose sur laquelle on arrive à se mettre d'accord, ce sont des règles de la discussion. C'est quelque chose qui a été beaucoup nourri par la pensée habermasienne. Et finalement, à partir de... Donc, quand on se réunit de façon fictive ou réelle autour d'une table pour prendre une décision, on se met d'accord sur des règles de la discussion, et à partir de là, on doit pouvoir aboutir à une décision à laquelle tout le monde va se rendre, parce que tout le monde a respecté ces règles de la discussion. Mais corrélativement, comme le souligne Anne Fagot-Largeau, on admet que les décisions éthiques sont précaires, qu'elles peuvent être révisées. Parce qu'une nouvelle génération d'interlocuteurs abordera les questions de façon différente, tout en se soumettant aux mêmes règles. Alors, dans mon travail, en fait, j'ai tâché de développer une orientation différente, sans nier l'importance de l'accord procédural, mais D'une part, en fait, tels qu'ils ont été nourris par la réflexion habermasienne, il me semble que cette éthique procédurale prend insuffisamment en compte les rapports de force qui sont à l'œuvre dans les échanges, l'inégale distribution de la parole, de la prise de parole. Et puis, personnellement, je n'arrive pas à me satisfaire du relativisme moral qui va de pair avec l'éthique procédurale. Donc, j'ai essayé de travailler dans une autre direction. Alors, d'une part, effectivement, je pense qu'il est important de reconnaître, sans nécessairement verser dans le relativisme, qu'il y a une forme de contextualisme essentiel à la morale. C'est-à-dire qu'on ne peut que reconnaître que les systèmes moraux ont évolué dans le temps. Aujourd'hui, même quand on aime beaucoup Aristote, on ne va pas abonder dans le sens de sa justification de l'esclavage. Et il est important je pense, d'admettre, même si c'est très dur pour un philosophe, qu'il y a une variabilité historique dans l'énoncé des normes morales, qu'il y a une forme d'évolution, pas nécessairement au sens darwinien d'ailleurs, que, effectivement, la philosophie morale rechigne à reconnaître, mais doit peut-être finir par le faire, qu'il y a une forme de contextualité inhérente à la définition des normes morales. Et ce n'est pas nécessairement être relativiste que de reconnaître cette contextualité à l'œuvre dans la pensée morale, d'autant que, et c'est ce que développe en particulier un philosophe aujourd'hui qui est en Belgique, Marc Ouniadi, ce contextualisme n'est pas hermétique à l'idée qu'on peut critiquer, c'est-à-dire à l'intérieur d'un contexte donné, il y a aussi des ressources pour critiquer les normes morales en présence. Donc ça, c'est un élément qu'il faut reconnaître. Mais au-delà de cet aspect-là, je dirais aussi que le tableau que nous proposent Engelhardt et Appel peut être remis en cause. C'est-à-dire qu'on n'est pas obligé d'accepter comme évident la description de cette tour de Babel morale, l'idée qu'on baigne dans un désaccord indépassable. Parce qu'il me semble quand même que aussi, ce qui est observable aujourd'hui dans un grand nombre de sociétés et même de façon transnationale, c'est un petit corpus de normes. Il n'y en a pas des dizaines. Il y a un petit corpus de normes qui a une valeur transnationale et qui a traversé quelques décennies, voire quelques siècles. Pour autant, et c'est un aspect important sur lequel je reviendrai par la suite, qu'on les conçoit de façon abstraite et générale. Voilà, on n'est pas complètement démuni. On a un petit ensemble de normes sur lesquelles on peut travailler et non pas une diffraction en une myriade de normes. Alors, je citerai notamment, mais elles ne sont pas toutes seules, parmi ces normes qui ont comme ça traversé le temps et l'espace, le respect de l'autonomie du patient, le principe de bienfaisance, le principe de non-malfaisance, qui serait la traduction du « d'abord ne pas nuire » du corpus hippocratique, et puis un certain nombre d'interrogations normatives liées à l'idée de justice. Combien de temps il me reste ? J'ai pas regardé. Un quart d'heure, c'est bon. Et donc, je dirais que plutôt que le tableau de Engelhardt ou Appel, je partirais d'un autre tableau où un petit nombre de normes domine, et cela vaut même quand on tient compte des variations culturelles, a fortiori quand on s'inscrit dans le temps long, où l'on peut repérer d'intéressants phénomènes de rééquilibrage ou de balancier. Et par exemple, récemment, donc j'ai eu l'occasion d'aller en Angleterre, où j'ai vu un certain nombre de rapports, donc y compris celui du Nuffield Council, qui est un peu l'équivalent du CCNE en France, qui vient de produire un écrit sur la solidarité, nouvelle idée de la bioéthique. Alors, pour des Français, effectivement, ça prête à rire, parce que c'est un peu le lieu commun par excellence de la manière d'approcher les questions, notamment à travers l'angle du principe de justice. Mais effectivement, à une époque où en France, on commence à admettre que le respect du principe de l'autonomie du patient peut être une norme dans les décisions médicales, les Anglais sont en train de la critiquer, cette norme de respect de l'autonomie, et sont en train de mettre en avant la solidarité comme principe de décision dans le champ de la santé, individuelle ou publique. Donc il y a des phénomènes de rééquilibrage et de balancier qui finalement confortent l'idée qu'il y a quand même un petit nombre de normes à l'œuvre dans les décisions, et qu'elles voyagent peut-être un peu dans l'espace, mais qu'on finit toujours par les retrouver d'une manière ou d'une autre. Alors Anne Fagot-Largeau parle au sujet de ce petit ensemble de normes d'un noyau consensuelle dans un ouvrage qu'elle a publié en 2010, Philosophie et médecine. Et elle souligne que, grosso modo, ces quelques normes renvoient aux droits de l'homme. Bon, pour ma part, je ne suis pas certaine de vouloir adopter l'expression de noyau, parce que comme image, ça renvoie à quelque chose de fondamental, de clos sur soi et de relativement intangible. Et il me semble plus juste d'adopter, en tout cas pour l'instant, une expression plus neutre, comme simplement un ensemble. Hein. Mais donc, effectivement, en renvoyant aux droits de l'homme, elle renvoie, elle aussi, à ces normes que j'ai citées tout à l'heure, respect de l'autonomie de la personne, bienfaisance, non-malfaisance, justice. Elle évoque aussi le principe du consentement libre, éclairé et express mis en place à partir du code de Nuremberg, d'abord pour le domaine de la recherche biomédicale et après, dans les années 80, appliqué au champ du soin. Et effectivement, ce qu'elle souligne, c'est que certes, cet ensemble a un visage un peu disparate, mais il a aussi une certaine solidité, fruit de ses mises à l'épreuve et de ses reformulations successives. Alors, si on part de ce tableau, on quitte effectivement à la fois le regret de l'universalisme et puis la tâche finalement de vouloir redéfinir un cadre et une orientation telle que Engelhardt pouvait le souhaiter. Néanmoins, il y a un certain nombre de problèmes qui subsistent et c'est peut-être effectivement là que j'ai placé le cœur de mon travail et que se place un certain nombre de travaux aujourd'hui. Alors, ce qu'on constate, c'est que plusieurs attitudes théoriques sont repérables au sujet de cet ensemble restreint de normes. Il faut quand même dire que malgré le discrédit jeté sur la prétention à l'universalité, on repère assez fréquemment, en tout cas en France, la réaffirmation du caractère intangible de certaines normes et valeurs. Par exemple, au moment où on commençait à réfléchir à différentes échelles de la vie politique à la révision de la loi de bioéthique, le CCNE a publié un avis en 2008, c'était l'avis 105, questionnement pour les états généraux de la bioéthique, et il rappelait dans cet avis le statut principiel et absolument normatif de l'idée de respect de la dignité de la personne humaine, la prise en compte prioritaire de l'intérêt de l'enfant, puisque un des débats qui agitait beaucoup la communauté, c'était les questions relatives à la procréation à ce moment-là, l'impossibilité de commercialiser le corps humain, ou encore le respect de l'anonymat, hein, aussi relatif aux questions de procréation. Oui, le CCNE, c'est le Comité consultatif national éthique. Oui, donc c'est cette instance qui a été créée en 1983 par François Mitterrand et qui rend des avis consultatifs qui peuvent être saisis par vous et moi, par l'État, par des associations, voilà. Et qui en général, effectivement, aborde des questions d'éthique générale, mais appliquées à tel ou tel domaine, et par exemple elle a rendu un avis très intéressant sur l'arrêt Perruche, très intéressant parce que c'est un des seuls avis où elle exprime un désaccord interne à son groupe de réflexion. Voilà, et elle avait été mobilisée au moment de la révision des lois de bioéthique, et c'était vraiment un moment important, cet avis 105, parce que les états généraux étaient organisés en principe pour consulter les citoyens sur ce qu'ils voulaient en matière de loi de bioéthique, mais en fait, effectivement, le cadre était déjà tellement posé, avec les principes, les questionnaires, etc., que le débat était un petit peu, quand même, un peu biaisé. Mais voilà, donc, on a ce type de réaffirmation à prétention universaliste, effectivement, on ne discute pas de certains principes. Hein. Voilà, alors, ce qui est assez notable, c'est que les désaccords surgissent rarement. Et c'est quelque chose qu'ont beaucoup pointé les rédacteurs du rapport Belmont, un des rapports donc américains qui a édicté un certain nombre de principes sur la recherche biomédicale à la fin des années 70. Hein, il est assez rare que les désaccords surgissent au sujet des normes exprimées de façon générale. Alors, je souligne cette histoire du rapport Belmont parce que Toulmine, justement, a commenté cet aspect. Tout le monde est d'accord sur, a priori, hein, mais on va voir que ce n'est pas toujours le cas, en fait, qu'il faut respecter la dignité humaine, qu'il est interdit de vendre le corps humain ou ses parties, etc. Exprimé en termes généraux, un certain nombre de normes semblent ne pas faire question. Et face à ça, Anne Fagot-Largeau suggère que la réflexion est dans une position assez frustrée et frustrante parce qu'on s'accorde en fait sur un contenu de l'éthique à condition de mettre les questions embarrassantes au placard, hein, je la cite, hein, et de ne pas trop approfondir ce que les principes signifient. Personne ne remettra en cause effectivement le fait qu'il faille respecter la dignité humaine. Mais en fait, face à cet accord de façade, il y a plusieurs façons de mettre les pieds dans le plat. Alors, il y a un philosophe contemporain qui est un de mes collègues au CERCES, Ruven Augien, qui contredit l'idée même selon laquelle, même à ce niveau, les désaccords sont inexistants. Alors, effectivement, il prend un peu le contre-pied de toutes ces personnes qui ont été à l'origine des premiers codes, des premiers textes importants dans la bioéthique, comme le rapport Belmont ou des principes de l'éthique biomédicale, hein, qui justement avaient bien repéré cette espèce de hiatus entre un questionnement à un niveau général et un questionnement à un niveau contextualisé, voire centré sur des cas. Parce que Ruven Augien, en fait, estime que les désaccords peuvent apparaître dès ce niveau général si on mène un travail critique sur les valeurs qui fondent les normes énoncées. Donc, il repart en fait effectivement des énoncés prescriptifs, ce qui oblige, ce qui interdit, et puis d'autre part ce qui contient des expressions d'appréciation, le bien, le mal, le meilleur, le pire, donc les valeurs, hein, entendues de façon très générale. Et à partir de la discussion de ces valeurs, il va développer une critique des arguments avancés pour justifier les normes. Il va chercher à expliciter les raisons, les croyances, les convictions qui sous-tendent ces normes pour en dénoncer la part d'arbitraire. Alors, il l'a fait à partir de pour la prostitution, pour la pornographie, pour la procréation, pour la fin de vie. Donc, il passe un petit peu tous les champs de la vie en revue. Et donc, ça le conduit, dans ses différents ouvrages, à proposer une critique des normes elles-mêmes, par exemple la dignité, par exemple la vente du corps humain, et en raison donc de ce qu'il estime être leur manque de fondement, et critique qui, dans ses écrits, est adossée à une conception morale qu'il qualifie de minimale, qui fait de la non-nuisance à autrui le seul critère d'évaluation de l'action morale. C'est-à-dire qu'à partir du moment où je ne nuis pas autrui, rien n'est immoral dans ce que je peux faire. Ça le conduit notamment, par exemple, à remettre en cause la critique du suicide chez Kant. Voilà, je ne développe pas cet aspect-là, mais en tout cas, en ce qui me concerne, c'est que moi, je ne suis pas d'accord avec sa conception de la morale minimale, mais en revanche, effectivement, une partie importante de mon travail, tant sur le désir d'enfant que sur les décisions d'interruption de maintien de la vie, porte également sur les valeurs qui fondent les normes. Et c'est cette partie, elle repose, comme je l'ai explicité dans La valeur de la vie, sur un refus de l'argument de la pente glissante, je vais expliciter ce que c'est, qui conduit finalement à censurer le débat moral, le questionnement moral. Alors, l'argument de la pente glissante, il avait été énoncé par un psychiatre lors des procès de Nuremberg en 1947, Léo Alexander, qui disait que si on commençait à réfléchir en termes d'évaluation de la vie humaine, on était inévitablement, de proche en proche, conduit à adopter des positions très discutables, moralement et surtout politiquement destructrices, puisqu'elles étaient à l'origine du nazisme. Voilà. Mais effectivement, cet argument de la pente glissante, aujourd'hui, il est souvent invoqué dans la discussion morale pour clore par avance la discussion et le travail critique sur les valeurs qui fondent les normes. Et donc, si on ne met pas de côté cet argument-là, on ne peut pas aborder certains énoncés qui sont de fait repérables dans les décisions. Hein. Par exemple, à l'hôpital, dans le travail sur la valeur de la vie, j'ai souvent entendu dire « Ouh là là, mais ce patient, c'est un légume, ce patient, c'est un neuneu. » Voilà, alors, c'est pas très, effectivement, comment dire, voilà, ce sont des énoncés qui peuvent être perçus comme choquants, qui peuvent renvoyer, effectivement, enfin, qui sont des énoncés qui sont une évaluation de la vie humaine. Si on n'accepte pas de les discuter et qu'on les met d'emblée du côté de l'immoralité, et ben voilà, on se ferme toute une partie du travail sur les valeurs qui sous-tendent les normes. Donc ça, c'est une première partie du travail et c'est une partie importante aujourd'hui dans la philosophie morale et politique sur les normes morales. Ensuite, il y a une autre partie du travail de critique des normes qui renvoie simplement à un travail de clarification conceptuelle. Et ça, c'est une partie importante parce que justement, comme je viens de le dire à travers ces exemples, hein, ce patient c'est un légume ou ce patient c'est un neuneu, on voit pas très bien ce que ça veut dire quand même. Voilà, ce sont des métaphores, les gens jouent beaucoup sur l'implicite, comme si tout le monde comprenait ce que ça voulait dire. Bon, il faut quand même expliciter ce type de métaphore, ce type de formulation. Et on découvre effectivement souvent derrière ces images des conceptions de la vie humaine qui sont tout à fait différentes. Et on comprend pourquoi, effectivement, il y a après des controverses et des débats. Je vais donner un exemple concret tout à l'heure, mais effectivement, ce qui est important de voir, c'est ce que Anne Fagot-Larjoux a bien dit dans son écrit « Médecine et philosophie », c'est que dès qu'on veut spécifier le sens des termes employés pour énoncer une norme, donc je ne parle même pas de ces images et de ces métaphores, mais dès qu'on veut spécifier le sens des termes employés pour énoncer une norme, des désaccords surgissent sur le sens. Dire ce qu'est une personne humaine n'a rien d'évident. Dire qu'une personne humaine mérite le respect n'a rien d'évident. Quand on essaye de définir une prise en charge thérapeutique concrète, par exemple, est-ce qu'un enfant mineur, je veux dire, indépendamment du cadre juridique, est une personne humaine? À partir de quand il l'est? À partir de quand on va considérer son avis? Est-ce que le nouveau-né est pleinement une personne? Est-ce que celui qui n'est pas encore né est pleinement une personne? Évidemment, il y a une part juridique du questionnement. La loi a tranché. Mais il y a aussi un questionnement moral qui y est associé. Et effectivement, dans le travail sur la valeur de la vie, ce qui est apparu derrière ces images, quand j'ai essayé de creuser un petit peu le sens de ces propos, c'est que derrière la notion de personne, certains médecins ou patients ou proches rangeaient une conception très articulée à la mémoire, à l'intelligence, à la faculté rationnelle. Donc effectivement, les malades d'Alzheimer, les déments, les grabataires, ils étaient un peu de l'autre côté de la barre. Et d'autres associaient l'idée de personne humaine à une conception essentiellement relationnelle, où ce qui faisait la personne, c'était la relation dans laquelle on était avec elle, y compris simplement tactile, par exemple, pour les patients dans le coma. Et à ce moment-là, effectivement, la question de leur intelligence, de leur mémoire, de la cohérence de leurs propos ne se posait pas. Voilà, donc il y a cette part importante de clarification qui intervient dans le travail et qui, effectivement, comme Anne Fagot-Larjoux le dit, fait sortir les questions embarrassantes du placard. Et puis il y a une dernière part du travail, et c'est celle à laquelle je me suis particulièrement consacrée, effectivement, dans le travail que je fais avec le centre d'éthique clinique à l'hôpital Cochin, c'est de savoir comment on applique une règle générale à un cas concret. Effectivement, ce n'est pas évident de savoir ce que signifie respecter une personne humaine quand on a face à soi un patient, et notamment, par exemple, un patient dément, un patient violent, un patient confus, etc. Donc ici, on a le problème très classique du passage de la théorie à la pratique. Mais ce qui est apparu au fil des années du travail d'éthique clinique, de façon très frappante et pour moi très inattendue, en fait, c'est que dans de nombreux cas concrets, singuliers, les normes qu'à titre général je voulais respecter et que je voulais respecter ensemble étaient incompatibles entre elles. C'est-à-dire que j'ai à la fois envie d'être bienfaisante et de respecter l'autonomie du patient. Et ben dans certains cas, il va falloir choisir. J'ai envie de respecter ce que j'estime être la bonne application de la règle de justice et en même temps de ne pas être malfaisante. Dans certains cas, il ne va pas être possible de respecter les deux à part égale et il va falloir trancher. Donc les cas effectivement d'éthique clinique, bon, la démarche qui se développe à Cochin est une démarche d'éthique clinique parmi d'autres, mais en tout cas cette démarche-là, en fait, elle oblige beaucoup à en rabattre, je dirais, avec la prétention morale. Elle nous laisse souvent dans une position d'inconfort, parce qu'elle nous oblige à faire face à des dilemmes et que quand on est dans un contexte médical, une décision doit être prise, on ne peut pas en rester effectivement à une sorte de retrait confortable. Donc il va falloir choisir quels principes on privilégie et donc effectivement, dans la plupart des cas, on se dit qu'on fait au mieux ou en tout cas au moins mal. Voilà. Mais c'est vraiment très frappant, effectivement, de voir comment, tout à coup, des normes qui nous apparaissent toutes évidentes, toutes à respecter, deviennent tout à coup incompatibles. Un exemple très classique, enfin, je peux citer deux exemples très classiques et qui sont souvent discutés dans la littérature. Oui, j'ai bientôt terminé. C'est le cas du SDF que les équipes mobiles dans les rues quand il fait très froid, vont avoir envie donc effectivement d'arracher de la rue et d'amener dans un endroit chaud, de le nourrir, de le laver, de le soigner. Et si le SDF dit non, est-ce qu'on respecte son autonomie ou est-ce qu'on fait primer le principe de bienfaisance pour le soigner? Ça, c'est effectivement une question importante. Alors, voilà, donc il y a trois ordres de difficultés. La question de la justification des normes par les valeurs, les croyances, les convictions, la question de la clarification conceptuelle, et puis la question de l'application des normes. Et en fait, ces trois ordres, en fait, doivent quand même être, ne se confondent pas. Hein, ils sont complémentaires, et même si parfois ils suscitent le même questionnement et qu'on peut avoir l'impression qu'ils sont confondus, ils ne se situent pas au même endroit de la chaîne de la réflexion morale. Et je pense vraiment qu'il faut mener le travail sur les trois fronts. Voilà. Alors, peut-être pour finir, j'aimerais essayer de revenir à mon point de départ, qui était le sujet politique en tant qu'il a un corps. Et essayer de voir comment ce travail mené sur le petit corpus des normes mobilisées dans le champ de l'éthique médicale peut nourrir effectivement une réflexion politique. Alors, en premier lieu, il faut remarquer que le recours à ces normes et à leur discussion constitue une option, un choix éthique à part entière, quelles que soient les normes et les valeurs qu'on entend promouvoir, et que cette option-là, elle n'a rien de nécessaire. Hein. Elle tient vraiment à la bonne volonté des acteurs qui sont engagés dans la situation, et quand il n'y a pas de bonne volonté, parfois la détermination de certains de l'imposer, dans un rapport toujours inégal, effectivement dissymétrique dans la situation de soins. Mais effectivement, là, il y a un geste éthique, hein, qui est de bien vouloir discuter des normes morales et de vouloir leur accorder de l'importance, plutôt que donc de refuser purement et simplement ce débat ou... Je dirais de se laisser aller à quelque chose qui est effectivement une tendance forte que j'ai pu constater à plusieurs reprises, la tendance au conformisme, hein, ce que Georges Canguilhem nomme la norme des normes, la convergence. Hein. On va tendre à l'accord parce qu'on préfère l'accord au désaccord. Alors, il est probablement, à mon sens, inexact de considérer que cette discussion normative, ce débat, intervient seulement lorsque le paternalisme médical est mis en cause. Il y a une corrélation entre les deux, c'est probable, mais ça ne suffit pas. Parce que accepter de discuter des normes morales, ça veut dire reconnaître que le seul savoir médical ne suffit pas pour prendre une décision. Et après tout, indépendamment du paternalisme médical, les patients pourraient considérer que le savoir médical est le seul critère à prendre en compte. Donc quand on engage des normes morales dans la décision, il y a un pas de plus qui est fait quand même, au-delà de cette simple remise en cause du pouvoir médical. Alors, je dirais que dans cette décision d'accorder à la discussion sur les normes morales sa place, une place, il ne s'agit pas seulement de prendre en compte le point de vue du malade. Et ça, c'est un point important, parce qu'il y a toute une littérature, notamment inspirée par la pensée de la clinique de Georges Canguilhem, qui a mis en avant ce point de vue du malade. Mais on peut très bien le mettre en avant en un sens purement épistémologique. Et c'est effectivement toute une part du travail de Georges Canguilhem que de dire que, en écoutant le patient, en réintroduisant dans le colloque singulier patient-médecin le point de vue subjectif, on va mieux comprendre la maladie. Mais effectivement, il s'agit de mieux comprendre la maladie, pas de laisser une place à ce qu'estime le patient important pour son existence. Alors, chez Canguilhem, je dirais, il y a une grosse dispute en ce moment chez les exégètes en France pour savoir s'il faut l'interpréter en termes purement épistémologiques ou aussi éthiques. Il me semble que Georges Canguilhem laisse la place aux deux éléments. Effectivement, il y a quand même cette idée qu'il faut prendre en compte l'expérience vécue du malade. Et effectivement, c'est bien quelque chose qui est en jeu dans le fait d'accepter, d'accorder aux normes morales une place dans la décision et de les discuter. Alors, je voudrais convoquer Canguilhem sur ce point de façon un petit peu plus nourrie, parce qu'il me semble qu'il propose un point de vue extrêmement intéressant à cet égard. Dans le normal et le pathologique, donc texte écrit en partie pendant la Seconde Guerre mondiale, puis remanié et augmenté en 1966, Canguilhem a, lui, pas du tout évoqué les normes morales, il a convoqué trois types de normes. La norme individuelle, donc liée à l'existence de l'individu et qui renvoie à la manière dont il définit son rapport à l'existence. La norme statistique, médicale, générale, définie donc par l'état du savoir médical. Et puis une norme sociale, qui vient trancher sur des formes de vie qu'on estime vivables ou pas. Alors il me semble qu'en donnant un tout autre tableau aux normes, Canguilhem ici nous donne une piste intéressante, parce que ce qui compte en fait, c'est ce qu'il suggère très clairement dans son œuvre, c'est ce qui compte dans l'établissement d'un diagnostic et dans la définition d'une prise en charge d'un malade, c'est la norme individuelle. Et en pointant ce fait, en fait, il suggère qu'il est indispensable de reconnaître le malade comme un sujet capable d'énoncer des choix, un point de vue, des préférences. Et j'ajouterais même, par rapport à son travail, que cette capacité, la reconnaissance de cette capacité, acquiert une importance centrale dans un contexte où le malade est souffrant, où il est alité, et où ce discours sur lui-même, finalement, est peut-être la seule manière pour lui de prendre une part active à sa propre existence. Donc, il y a bien, dans cette idée, il ne s'agit pas de toujours dire oui au patient, c'est bien autre chose qui est en jeu, c'est vraiment dans cette reconnaissance d'une capacité d'un sujet, même malade, même diminué, à apprécier son existence. C'est vraiment ce point-là qui est tout à fait central dans la philosophie de Canguilhem et dans ce que je voudrais en reprendre. Et là, il y a un double enjeu politique qui se niche dans le fait d'accorder une place à la discussion sur les normes morales et à ce sujet tel que Canguilhem l'esquisse. D'une part, donner toute son importance à la norme individuelle, c'est minimiser la norme sociale. On va éventuellement accepter qu'une femme garde ou un couple un enfant qu'on sait handicapé grâce à un diagnostic prénatal parce que c'est son choix en tant que femme ou c'est leur choix en tant que couple, alors que dans le cas des trisomies, par exemple en France, la trisomie 21, on sait très bien que la politique de dépistage est quand même orientée dans un sens favorable à l'avortement des enfants qu'on diagnostique trisomique. Donc, ça, c'est un premier point. Autre point politique, je dirais que créer des institutions et instaurer un mode de fonctionnement qui inclut l'espace de temps nécessaire à cette discussion normative est effectivement une décision institutionnelle et politique de plein droit. Et elle ne paraît pas aller de soi dans une époque où on déplore constamment le manque de temps dans la relation médecin-malade. Voilà, donc il y a vraiment des enjeux politiques forts qui sont noués à la reconnaissance de ce sujet évaluant et moral. Et de ce point de vue, mais bon, on en rediscutera sans doute, je dirais que par rapport à la question de la clientélisation et à la judiciarisation des cas, moi je ne serais pas aussi pessimiste en fait, ou aussi sévère par rapport à la question de la place du droit, parce qu'effectivement, on craint beaucoup en France, en tout cas, cette clientélisation, cette judiciarisation et les conflits qui peuvent en être. Le droit peut être aussi envisagé, effectivement, comme un cadre, comme un autre, un instrument qui donne place à cette discussion sur les normes morales et qui organise l'institution hospitalière pour ce faire. Donc, je n'accorderai pas autant d'importance à cette dimension-là du droit. Voilà, bah, écoutez, je pense que je vais m'arrêter là. Voilà. Et puis, j'avais préparé quelque chose sur la fin de vie, mais peut-être qu'on en discutera. On en parlera pendant la discussion. Voilà. Exactement. Merci beaucoup.